note ton prénom. Si tu mets une jupe sur mon canapé, je n'ai pas d'arrière-pensée. La laideur des tonneaux devant le garage de grand-père me rapproche de toi. Les neiges du Kilimandjaro sur mes cheveux mi-longs me rapprochent de toi. Peu importe ton âge, si tu mets des lunettes sur mon canapé, je ne veux pas te baiser. La laideur des tonneaux devant le garage de grand-père me rapproche de toi. Les neiges du Kilimandjaro sur mes cheveux mi-longs me rapproche de toi. Mais je veux bien t'embrasser. Je veux bien t'embrasser. Si tu veux m'embrasser, je veux bien t'embrasser.